marié, c'est bien marié. Il te met la tête balée. Depuis toute famille, on veut. Quelle façon pour s'arrêter. Tout marié, c'est bien marié. Il te met la tête balée. Depuis toute famille, on veut. Quelle façon pour s'arrêter. Wadi a parlé ou mal, a fait pas l'hôpital, moins qu'on en comme des total. Faut montrer très raisonnable. Wadi a parlé ou mal, a fait pas l'hôpital, moins qu'on en comme des total. Faut montrer très raisonnable. Où était à faire tes pains, vers la 4 du matin, par un lac, par un chalement. T'avais fait tout simplement. Leave.